Baby. شعر قلش رتتة. Sortez les peupons, sortez les peupons. Dans mon intro, c'est la guerre. Ah, sortez les peupons, sortez les peupons, sortez les peupons. Si ce bâtard doit de l'oseille, vas-y, shoot le peupon. Sortez les peupons, sortez les peupons. Dans mon intro, c'est la guerre. Ah, sortez les peupons, sortez les peupons, sortez les peupons. Si ce bâtard doit de l'oseille, vas-y, shoot le peupon. J'attaque, je défends, capitaine de l'équipe, appelle-moi le leader. On va pas embrasser pour éviter de croiser tous les videurs. MC débiteur, je les connais par cœur, tous ces profiteurs. Allez écouter les plus gros voyous, c'est devenu les rappeurs. On agit, on parle pas. De vrais bonhommes comme nos papas. On te chouchoutera si tu ne sers d'un pas. Tes les haïks sont lourds, mais du flot t'en as pas. À quoi bosser de péra. Fais du slam en acapella. Mon pélo, j'étais des, j'étais là. Toi, tu jouais encore à GTA. Nous à Paris, on fait de la babaille. Gros cerf, gros fer, j'ai la baque et fier. Kataï. Les femmes nous divisent, la vérité éclate. Tu vois qu'il y a que des petits fils de pute. Même avec des bateaux dans les roues, geeks, fils de pute. Philippe plein, rien dans le bide. Frigo vide, sur la vie de ma mère. C'est des grosses de mer qui font les caïds. Oh. Ça allait notre univers, vocifère. Y'a les broyages de pierre, Lucifer. Les gros fers, tu sourcils et tu fermes. N'en faut pas comment faire. Libéra pour gérer mes affaires. Sortez les peupons, sortez les peupons. Dans mon intro, c'est la guerre. Ah, sortez les peupons, sortez les peupons, sortez les peupons. Si ce bâtard doit de l'oseille, vas-y, shoot le peupon. Sortez les peupons, sortez les peupons. Dans mon intro, c'est la guerre. Ah, sortez les peupons, sortez les peupons, sortez les peupons. Si ce bâtard doit de l'oseille, vas-y, shoot le peupon. Sortez les peupons, sortez les peupons. Dans mon intro, c'est la guerre. Ah, sortez les peupons, sortez les peupons, sortez les peupons. Si ce bâtard doit de l'oseille, vas-y, shoot le peupon. Wesh Ibra, wesh Crafty, Fort Bandito. Et fuck le gay, j'suis venu pour découper des têtes, moi, sur la vie de ma mère. C'est l'affreux zoo, c'est pas vrai.